Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous où je réponds aux FAQ. Je vais donc immédiatement répondre au FAQ posé par moi-même. Oui, je sais, le titre de cet épisode, sa présentation est totalement putaclic. Je n'ai utilisé aucun média social, pas même YouTube, pour vous inviter à me poser des questions, mais j'avais déjà des questions à répondre et je me voyais mal faire une annonce pour qu'on poste des questions en commentaire. Peut-être ferai-je un jour une vraie FAQ, si la chaîne devient beaucoup plus populaire dans quelques siècles, mais pour le moment, ce sera ça. Je sais donc déjà quelle est la première question qui doit brûler vos lèvres. Pourquoi est-ce que je porte un chapeau? Parce que ma coupe de cheveux actuelle a été ratée, et donc en attendant que mes cheveux repoussent, je n'ai pas très envie d'être filmé ainsi. Je cache donc mes cheveux. Je risque d'ailleurs de porter ce chapeau dans plusieurs épisodes du podcast, dont notamment celui de la nouvelle année du Bye Bye 2023 qui est déjà sorti, puisque j'ai l'intention de filmer plusieurs épisodes aujourd'hui même, en ce 1er janvier 2024, journée où je filme. Certainement pas la journée où les épisodes vont sortir. Donc, question suivante. Qu'est-ce qui se passe avec la numérotation du podcast? Où sont passés les épisodes après le 75? Pourquoi est-ce que je n'ai pas nommé le numéro au début de cet épisode? Eh bien, si vous avez vu la vidéo de présentation du podcast que j'avais mis en ligne avant les premiers épisodes vidéo du podcast des nous, je fais ce podcast depuis des années, j'ai simplement décidé d'adapter en vidéo les anciens épisodes audio avant de faire de nouveaux épisodes 100% vidéo. Mais j'ai fait d'autres choses à côté. Un des tout premiers épisodes de vidéo mis en ligne a été le 76e, filmé directement en vidéo, à propos d'un film dont je voulais parler sur le moment, littéralement au moment où je commençais à adapter les épisodes vidéo. J'ai aussi fait de temps à autre de nouveaux épisodes spéciaux entre les versions vidéo des anciens épisodes audio. Après avoir mis en ligne la version vidéo du 75e épisode, j'ai replacé le 76e à la suite dans la playlist du podcast. J'ai aussi ajouté les différents épisodes spéciaux après leur avoir ajouté des numéros 77 et suivants. L'épisode actuel a donc sa bonne numérotation. Il était assez facile pour les épisodes 1 à 75 d'avoir la bonne numérotation dans la présentation, puisque j'ai fait les différentes présentations vidéo pour les versions vidéo, enregistrées les unes à la suite des autres. Pour l'avenir, je ne saurai pas nécessairement par cœur à chaque fois le numéro où je serai rendu, et de toute manière, il pourrait m'arriver de décider de sortir les épisodes dans un ordre différent de celui dans lequel je les aurai enregistrés. Est-ce que je vais continuer à sortir un épisode par semaine? Absolument pas. La fréquence de parution des épisodes a toujours changé depuis la création du podcast. Au tout début, je sortais avec Dominique un épisode tous les 2 mois. Au deuxième épisode que j'ai fait seul, je me suis mis à sortir des épisodes ultra courts une fois par semaine pendant quelques mois. Ensuite, par manque de temps, je n'ai sorti qu'un épisode 6 mois plus tard et rien pendant des années. Quand je me suis remis au podcast, j'ai enregistré une tonne d'épisodes ultra courts en genre 1 ou 2 journées. J'ai donc sorti pendant une période de temps un épisode par semaine en précisant que je ralentirais éventuellement pour sortir aux 2 semaines. Ce que j'ai éventuellement fait, mais je suis resté plus longtemps que ce que je pensais à un épisode par semaine. J'ai éventuellement ralenti à un épisode aux deux semaines parce que j'étais sur le point de manquer d'épisodes à sortir. Puis quand je me suis mis à adapter mes anciens épisodes en vidéo, j'en ai sorti en premier de manière assez irrégulière, genre deux ou trois par semaine. Puis mon emploi du temps évoluant, je me suis mis à sortir généralement deux épisodes par semaine. Un seul en cas d'épisodes spéciaux ou de manque de temps ou si je passais tout droit par inattention. Puis, je suis passé à un par semaine parce que durant l'été, il m'arrivait de plus en plus souvent de manquer de temps ou bien d'oublier. Possiblement mon inconscient me parlant. J'ai donc décidé de ralentir à un épisode par semaine pour m'aider et aussi pour préparer à l'éventuel ralentissement quand j'aurai sorti le 75e épisode. Pendant ce temps, j'ai continué à sortir de nouveaux épisodes, les épisodes spéciaux, mais de manière très irrégulière. Je dirais que je crois que j'en sortais environ un tous les deux mois à peu près. De par mon emploi du temps, le temps un peu plus long à faire en vidéo qu'en audio uniquement, et la fréquence que je me suis vu sortir des épisodes spéciaux, j'ai l'intention de sortir un épisode par mois. J'en sortirai sans doute parfois plus, mais je sais que cette fréquence me semble réaliste pour le moment. Cela ne veut pas dire que vous devrez attendre un mois pour le prochain épisode. Vu son contenu, cet épisode me semble un peu léger, mais il est évident que les épisodes seront moins fréquents. Donc, ce qui amène à une autre question. Qui suis-je? Je suis Laurent. J'ai un travail à temps plein, donc je ne suis certainement pas un YouTuber, mais cela ne signifie pas que je n'aime pas la plateforme. J'adore la culture, le cinéma, la vidéo, la BD, etc. Je fais le podcast des Nous. Pour en parler. Qu'est-ce que le podcast des Nous? C'est un podcast à vocation culturelle où je donne mon avis ou des informations sur des films, des séries incluant des animés, parfois des livres, notamment des bandes dessinées. Je le fais depuis quelques années. J'ai commencé avec Dominique qui parlait de société. Il m'arrive d'avoir des invités comme par exemple Dominique ou Charles, peut-être d'autres éventuellement avec de la chance. Ce podcast est maintenant entièrement vidéo, mais il pourrait m'arriver à nouveau de faire des épisodes purement audio, accompagnés d'un visuel horrible pour accompagner le son. Après tout, cela permet d'être plus rapide et plus simple, particulièrement utile si je manque de temps ou veux enregistrer un épisode ailleurs que chez moi, en particulier si j'ai des invités que je n'ai d'ailleurs aucune intention de forcer à se faire filmer. Mais le podcast des Nous, c'est aussi c'est nous, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. De quoi vais-je parler dans les prochains épisodes? Écoutez-les pour le savoir! Vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Vous n'êtes pas obligé de le regarder à chaque fois non plus. Je suis loin de regarder toutes les vidéos des millions de chaînes YouTube auxquelles je suis abonné. Le reste de la vidéo sera constitué d'une véritable entrevue qui était déjà prévue depuis quelque temps. Voici donc! Au revoir et à bientôt! Megadeth. Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des Nous. Aujourd'hui, nous avons un épisode très spécial qui sera constitué d'une entrevue. Vous avez déjà entendu la personne qui va être interviewée, mais cette fois-ci, ce n'est pas une voix digitale qui lit mes textes, mais une personne humaine. Je vous présente Laurent, c'est-à-dire moi-même. Bienvenue au podcast des Nous, à moi. Pour rendre plus facile cet exercice, je vais aussi inviter une personne pour poser les questions de l'entrevue. Bienvenue Léa. Je suis heureuse d'être ici. Bonjour, Léa. Quelle question as-tu pour moi? Une question brûle les lèvres et calcine les oreilles de tous nos auditeurs. Qui es-tu? Je suis Laurent. Je fais le podcast d'Inou. Pour vrai? Il me semble avoir déjà entendu ta voix dans des précédents épisodes du podcast d'Inou. Pour vrai? Je n'avais pas remarqué. Justement, cela m'emmène à des questions plus personnelles. Es-tu prêt? Oui, je suis déjà en train d'enregistrer cet épisode du podcast. Quel est ton film préféré? J'ai un tonne de films favoris, pas un seul. Pourquoi? Parce que j'aime avoir des alternatives différentes qui proposent du contenu différent. Quelle est ta série préférée? J'en ai un tas aussi, malgré que je n'ai plus accès à la télévision. Dans mon coin, il est difficile de recevoir la télévision sans le câble, et je n'ai pas envie de payer le câble pour le peu que je regardais encore la télévision du temps que j'avais accès au câble. Pourquoi? Parce que j'aime avoir des alternatives différentes qui proposent du contenu différent. Quel est ton roman préféré? Aucune idée. Pourquoi? Parce que j'aime avoir des alternatives différentes qui proposent du contenu différent. Quel est ton groupe de musique préféré? Devo. Pourquoi? We are all Devo. Mais encore? J'ai tendance à aimer la musique pop-rock des années 80, en particulier la vague New Wave. Devo me semble être la meilleure de cette vague. Non seulement c'est cool musicalement, mais les propos sont intéressants aussi, et tout l'art qui entoure la musique. Ce sont les membres de Devo eux-mêmes qui font normalement les couvertures de leurs albums, leurs vidéoclips, sans oublier de petites vidéos divers qu'ils ont pu faire comme accompagnement à leurs concerts ou compilations de vidéoclips. Par contre, je déteste quand on les appelle « Devo », comme le font certains Français avec leur accent. Ce n'est pas un divan, mais un groupe de musique se voulant artistique et politique. Je préfère encore qu'on les appelle « Devo » ou « Devo ». En fait, j'ai entendu dans une entrevue qu'à l'origine, ils voulaient être appelés « Devo » dans leur tout début, quand c'était purement un projet d'étudiant en art avec l'art « Devo » en référence à l'art déco. À leur origine artistique s'inspirant de divers courants artistiques d'un point de vue plus visuel, notamment le dadaïsme. Qui est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Hatsune Miku, que j'ai sûrement mal prononcé. Hatsune Miku. Pourquoi? Pour te tomber sur les nerfs. De toute manière, dans le genre, je préfère la voix de Kagamine Rin, même si elle n'a peut-être pas le même bassin de chansons. Les Vocaloids sont plutôt des instruments que des chanteurs, mais je ne crois pas vraiment avoir des chanteurs dont toute la production me renverse. Je préfère les groupes ou les orchestres, ou bien sinon Weird Yankovic. Quel est ton jeu préféré? Je n'ai pas vraiment un jeu préféré. Pourquoi? J'aime jouer à des jeux différents pour des expériences différentes. Qu'est-ce qui est le meilleur? Mario 3, Doom, Tales of Phantasia, Street of Rage 2 ou bien Clannad, ce sont toutes des expériences différentes. Qui est ta célébrité préférée? Le joueur du grenier. Pourquoi? Je suis pas vraiment un fan de vedettes et au moins il est marrant. Quel est ton podcast préféré? Le podcast des nous. Pourquoi? Parce que c'est celui que je fais, ce qui m'apporte un grand plaisir. Bon, j'écoute tout de même régulièrement aussi le AAA podcast, le Brand Bruce C podcast et Trash Taste. Mais le meilleur est le podcast des nous. Le podcast des nous. Un podcast qui vous caresse le tympan. En effet, le podcast des nous, un podcast qui vous caresse le tympan. Ne manquez pas le prochain épisode du podcast des nous. Ne manquez pas le prochain épisode du podcast des nous. Merci Léa pour la pub et d'avoir accepté de me poser mes questions. C'était tout naturel et je n'avais pas vraiment fait le choix. À la prochaine pour un épisode normalement plus normal.